Vous êtes le radin de la famille, vos amis vous surnomment la pince. Devenez client de la banque Golden Sucks, spécialisée dans l'insolvabilité de comptes clients. Dîner entre amis, crédit à la consommation, pension alimentaire, les conseillers de la banque Golden Sucks vous accompagnent dans votre démarche de non-paiement de vos obligations financières et transfèrent pour vous tous vos revenus dans l'un de nos nombreux paradis fiscaux. Vous n'avez plus qu'à montrer le solde de votre compte à vos proches et vous faire inviter. Golden Sucks, des solutions pour vous. Ça va pas la tête ?